et tout le monde me connaissait. Quand les affranchis arrivaient, Tony me jetait leurs clés et ils me laissaient garer leur caddie. Laisse-moi j'allais bien, gros. Laisse-moi j'allais bien, gros. Laisse-moi j'allais bien, gros. Laisse-moi j'allais bien, gros. Tête de mort dans le bolide allemand, lorsque des couplets qui mitraillent trop. Check les sous pour la gueule, dro. Allez, check les sous pour la gueule, dro. Faut ramener un petit bal si on veut baiser, pas besoin de la guédra. Là, c'est bouillon, c'est qui opère. Moi, la violence dans tous les rapports. Baby, y'a pas de conso verte. Nous, on est là pour les plans qui rapportent. Ça fait vram, vram, j'suis à l'aise. Comme un matin qu'on pète enfoiré. Sans la gare, si j'ai la bouteille. Ce soir, j'coupe même plus les plans qui ont foiré. Tu voulais quoi, du sale ou pas? Chier, et ça sent la peu frate ou pas? J'aime les gros billets, violets, loup pas. Sale, on a dû rentrer beaucoup trop tard. Tu sais quand j'ai un lop, ça. Boule à zéro dégradé au lock. C'était hier, j'arrive à l'eau. Ça, t'inquiète, j'suis venu avec la bonne zèle. Tu vas pas le laisser s'en tirer comme ça? Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où est le monde. Voilà, ça vous y va le monde. J'aime quand ça redémarre fort. La cité en 4-5 ans. Oui, tu sais bien qu'on a le mort. Donc fais conquitter à 4-5 blancs. T'as la prétence comme Messi. Si, si, t'as bien reçu le missile. Easy, je rappelle comme en Sicile. Oui, oui, regarde le flow ici. Si, si. Bim, on redémarre, t'inquiète pas. Nous, il nous faut un paquet de bif. Oui, les girons s'arrêtent pas. Je me déclenche, j'arrête ici. La loda, loda, le plein dans la gaufre. Meda, meda, pour compter la chose. Le sale, ça, tu vis sur la tour. Tu sais qu'on se défend seulement pour la cause. Bang, bang, on a dit. Et la monnaie est partie vite comme la police. C'est dingue dingue, j'en ai killé sur le terrain. Je suis attaquant comme Gomis. Tu veux la Ferrari F458 du pilon de la moula 22. S'il y a la potion, on va prendre vite. Pour l'instant c'est le micro qui prend feu. Brrr, virgule, petit pont illico. Poli, GPS, on y go. Bâtiment, Godro, on est trop. Perquise, pas de bol, là c'est chaud. Quoi de neuf, aucune comparaison. Technique, j'suis comme à la maison. Bah oui, j'ai flow qui paraît sombre. Vrai but, flow ça j'avais raison. T.M.A.L. Terrempé Caliente. Les gens me regardaient plus de la même façon. Ils savaient que j'étais pas tout seul. Le patron savait avec qui j'étais et il faisait le tour du comptoir pour me servir. Peu importe le monde qui attendait, on s'occupait de moi d'abord. Vous savez pourquoi? Par respect.